En Corée a eu lieu le 5 août le rassemblement consacré au 70e anniversaire de la fondation de l'exposition des Trois Révolutions. Y ont pris part Choi Tae-bo, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée et le personnel de l'exposition. On y a transmis le message de félicitations du comité central du Parti du Travail de Corée. Le message note que depuis sa première inspection de l'exposition des données sur l'édification démocratique du pays consacrée au premier anniversaire de la libération de la patrie, le 6 août de l'an 35 du Juche 1946, le président Kim Il-sung l'a visité des dizaines de fois pour la transformer en exposition particulière à la coréenne qui montre avec des objets réels la justesse et la vitalité de la ligne générale de notre parti en matière d'édification socialiste. Il a apprécié haut l'exposition des Trois Révolutions qui a accompli pendant ses 70 dernières années depuis sa fondation la tâche assumée conformément aux caractéristiques du salon d'ensemble de l'État sous la direction et l'affection méticuleuse du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. À la suite du rapport, il y a eu les interventions.